on va faire pour commencer le tour des principales actualités scientifiques de cet été avec le neutrino venu des confins de l'espace, un neutrino de très haute énergie détecté par le laboratoire IceCube enfoui dans la glace de l'Antarctique. On va également se rapprocher très près du Soleil avec la sonde Parker Solar Probe qui a été envoyée dans l'espace il y a quelques jours et qui va s'approcher de notre étoile pour tâcher de nous aider à en comprendre le fonctionnement. Et puis on parlera d'Homo sapiens qui continue de faire des nœuds avec la frise chronologique en Afrique et en Asie. Neutrino cosmique, Solar Probe et Multisapiens, c'est le programme de cette première table ronde d'actualité scientifique de la saison 3. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour cette première table ronde, eh ben on ne change pas une équipe qui gagne. Beau, bronzé, regonflé à bloc pour une nouvelle saison. Cécile Destienne, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bienvenue, welcome back, directrice de la rédaction de Pour la Science. Bonjour Élodie Chabrol. Bonjour. Du festival Paint of Science, et il est ni tout à fait un autre, ni tout à fait le même, c'est Olivier Lascar, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Chef du pôle numérique des sciences et avenir, qui est notre nouveau partenaire chéri pour cette troisième saison. On va vous préparer plein de nouvelles choses, des dossiers transmédia entre sciences et avenir, la recherche, internet, les réseaux sociaux, la méthode scientifique, bref, on vous en reparle très vite. Et comme chaque vendredi, eh bien tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité scientifique de la semaine, ni plus ni moins, c'est le journal des sciences, et c'est aujourd'hui Antoine Beauchamp qui s'y colle. Salut Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le journal des sciences. Et pour commencer, le premier sujet cette semaine, la loi sur la biodiversité de 2016 prévoyait l'interdiction des néonicotinoïdes. Cette interdiction entre en vigueur demain en France. Oui, adieu clothianidine, imidacloprid, thiamethoxam, thiaclopride et acétamipride. Derrière ces noms un peu barbares se cachent des substances néonicotinoïdes introduites en France dans les années 1990 et dont la toxicité a été jugée responsable de la baisse du nombre d'abeilles. Alors si la FNSEA dénonce l'impasse technique dramatique dans laquelle cette décision place les agriculteurs, certaines substances pesticides sont déjà sur les rangs pour remplacer celles qui viennent d'être interdites. Mais ces substituts sont-ils moins nocifs pour la biodiversité? Jean-Marc Bonmatin est chimiste et toxicologue au Centre de biophysique moléculaire du CNRS à Orléans. Il nous explique les effets des néonicotinoïdes sur l'organisme de tous les insectes, mais aussi à quoi ressembleront les substituts de ces pesticides. Alors, les néonicotinoïdes bloquent le système nerveux central des insectes, c'est-à-dire qu'ils créent une crampe généralisée, et ce qui conduit en quelques secondes à la mort de l'insecte. Et ces molécules ont la particularité d'agir sur tout type d'insectes. Ils ne sont pas sélectifs des ravageurs en faisant la différence avec les insectes bénéfiques, par exemple. Alors, de par leurs actions très délétères sur la santé des abeilles, des pollinisateurs en général, des invertébrés terrestres comme les vers de terre ou aquatiques qui sont la base de la biodiversité, les néonicotinoïdes, qui représentent 40% du marché mondial, vont être interdits en France pour préserver la biodiversité et éventuellement même la santé humaine parce qu'ils contaminent tout l'environnement. Ils seront remplacés certainement par d'autres pesticides plus anciens qui se sont avérés pas forcément extrêmement bons pour l'environnement. Mais on s'est rendu compte que dans l'immense majorité des cas, on n'avait pas besoin de ces insecticides de type néonicotinoïdes. Nous l'avons montré à travers plusieurs publications et l'ANSES elle-même reconnaît que dans 80% des cas, il n'y a pas besoin de traitement chimique du tout pour avoir de bons rendements de culture et que dans quelques cas, il y a besoin de traitements qui ne doivent jamais être faits de manière préventive mais en réaction d'une attaque de ravageurs. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que si on remplace des néonicotinoïdes par d'autres néonicotinoïdes et les compagnies essayent de mettre sur le marché des molécules qui ressemblent beaucoup, qui ont le même mode d'action et qui vont avoir forcément les mêmes effets, à ce moment-là, cette interdiction française ne va pas servir à grand-chose. Alors, non seulement on peut avoir un aperçu, mais ils ont un nom commercial, nom de matière active. Alors, le premier, c'est le sulfoxaflor, qui est un néonicotinoïde à peu près comme les autres, mais qui arrive sur le marché et dont les compagnies essayent de démontrer qu'ils n'ont pas les mauvais effets des précédents. Et puis, le second, c'est la flupyradifurone. Alors, c'est difficile à prononcer, mais c'est exactement la même chose aussi. Et donc, on est très inquiet que deux nouvelles molécules du même type puissent remplacer les cinq qui viennent d'être interdites. Voilà, on vient de l'entendre, hein, il n'y a pas que les abeilles qui sont victimes des néonicotinoïdes, mais c'est vrai que leur rôle pollinisateur en fait des victimes un peu exemplaires des dégâts causés par ce type de pesticides. Oui, ces 20 dernières années, on le rappelle, les populations d'abeilles ont subi des pertes vertigineuses. Alors si au début, les néonicotinoïdes n'ont pas été reconnus coupables de cette diminution, il a fallu une série d'études scientifiques pour établir le lien entre le recours à ces pesticides et la disparition des abeilles prélevant du pollen traité avec ces produits. Axel de Courty est éco-toxicologue et directeur scientifique de l'Institut de l'Abeille. Il nous explique comment on est parvenu à établir la corrélation entre l'usage des néonicotinoïdes et la disparition des abeilles. Il nous détaille également les moyens mis en œuvre pour observer l'évolution des populations d'abeilles à partir de l'interdiction qui prendra effet demain. Il est temps d'en finir avec cette controverse, hein, qui dure depuis 20 ans maintenant. Il y a déjà 20 ans qu'on connaît la forte toxicité de ces 5 néonicotinoïdes. Mais en fait, à cette période, il y a 20 ans, on pensait que les abeilles ne seraient pas affectées parce que les doses rencontrées en conditions réelles étaient trop faibles. Et or, les travaux scientifiques, notamment ceux qu'on a menés à Avignon, ont montré que même à de faibles doses, on pouvait réduire la survie des abeilles domestiques et abeilles sauvages. Donc cette mesure coïncide avec l'état des connaissances de la toxicité de ces produits sur l'abeille. Alors, étant donné toutes les publications qui sont réalisées sur le lien entre néonicotinoïdes et abeilles, c'est-à-dire plus de 300 publications, hein, on a effectivement un espoir que l'interdiction des néonicotinoïdes, des 5 hein, qui sont concernés, va améliorer la situation des abeilles. Maintenant, il serait illusoire de considérer que ça va résoudre tous les problèmes. On a parlé un petit peu de ce déclin très accéléré du nombre d'abeilles en France. Quand on prend une telle mesure, est-ce qu'on peut avoir une idée de la vitesse à laquelle peut se reprendre une population d'abeilles mise à mal par des pesticides, par exemple? Non, on se pose clairement la question. Maintenant, on est en train de mettre en place des dispositifs qui vont, je l'espère, nous permettre de répondre à cette question. Des observatoires sur les colonies d'abeilles. On a un observatoire en zone atelier Plaine et Val-de-Sève, donc ça c'est dans les Deux-Sèvres. Et puis, grâce aux associations de développement apicole, on a des observatoires un peu partout en France pour voir si, lorsqu'on a une décision politique aussi forte que celle-ci, eh bien, on améliore l'état des populations d'abeilles. En bref, maintenant, les oméga-3 n'auraient que peu de bénéfices cardiovasculaires pour les diabétiques de type 2. C'est ce que révèle une étude publiée le 26 août dans le New England Journal of Medicine. Les oméga-3, on le rappelle, sont ces acides gras polyinsaturés que l'on trouve en grande quantité dans certains poissons gras, comme le saumon, ou encore, entre autres, dans la noix, le colza ou le soja. Si les bienfaits de ces oméga-3 sont attestés pour la santé du cerveau, leurs effets protecteurs contre les maladies cardiovasculaires chez les personnes atteintes d'un diabète de type 2 viennent d'être remis en cause. L'étude en question a mesuré sur une vaste cohorte de diabétiques de type 2 la survenue ou non de premiers accidents cardiovasculaires graves mais non mortels chez des patients qui recevaient en complément des oméga-3. Résultat, 8,9% des participants ayant reçu des suppléments aux oméga-3 ont subi des accidents cardiovasculaires contre 9,2% dans le groupe de patients ayant ingéré un placebo. Ce faible écart statistique étant jugé non significatif, les scientifiques responsables de l'étude estiment donc qu'il n'y a plus de raison de recommander des suppléments aux oméga-3 pour protéger des maladies cardiovasculaires. Et en bref, toujours, on parlait de réchauffement climatique avec Gilles Rammstein mardi, qui était notre deuxième grand parrain de cette saison 3. Aujourd'hui, une start-up suisse cherche à capturer le CO2 dans l'air. Cette start-up est baptisée Climeworks. Elle a développé un filtre à air un peu spécial qui permet d'aspirer l'air ambiant, de bloquer les particules de CO2 grâce à un filtre et de recracher de l'air dépourvu de CO2. L'objectif de Climeworks est simple, retirer 1% du dioxyde de carbone émis dans le monde d'ici à 2025. Alors la start-up a déjà ouvert plusieurs usines, dont une dans le canton de Zurich qui pompe 900 tonnes de CO2 dans l'air par an, soit l'équivalent de l'émission de 200 voitures. Il faut aussi noter que le CO2, une fois récupéré, est ensuite revendu à des agriculteurs pour faire pousser des légumes. Alors si l'opération fait lever le sourcil des plus sceptiques, Climeworks attire les investisseurs et elle vient d'annoncer la levée de 30,5 millions de francs suisses, soit environ 27 millions d'euros. L'histoire ne fait que commencer puisque pour atteindre son objectif d'ici 2025, l'entreprise devra construire la bagatelle de 250 000 usines. Deuxième sujet cette semaine, 6 ans après la découverte du boson de Higgs, les chercheurs du CERN annoncent avoir observé pour la première fois la désintégration de la célèbre particule élémentaire. Oui, le boson de Higgs est une particule très instable et difficile à observer. Sa durée de vie, elle est estimée à 1 trilliardième de seconde avant désintégration en d'autres particules, donc c'est minuscule. Les chercheurs du CERN ont donc découvert qu'en se désintégrant, le boson se divise en d'autres particules, les quarks bottom ou quarks B, qui sont les plus petits éléments du modèle standard. L'observation, qui relève de l'exploit, vient confirmer une nouvelle fois une prédiction du modèle standard de la physique des particules, élaborée dans la deuxième moitié du XXe siècle. Cette prédiction affirme qu'en se désintégrant, le boson, dans 60% des cas, se décompose en une paire de quarks B. Ce résultat observationnel, il n'aurait pas été possible sans l'amélioration récente des prouesses techniques et énergétiques du grand collisionneur de Hadron, le LHC du CERN. Roberto Salerno est physicien des particules au CNRS et il participe à l'expérience CMS sur le boson de Higgs au CERN. Il nous explique pourquoi l'augmentation de la puissance du LHC est déterminante pour pousser, jusque dans leur dernier retranchement, les prédictions du modèle standard de la physique des particules. L'upgrade, il était nécessaire pour l'observation parce qu'avec plus d'énergie, c'est-à-dire la probabilité de produire les bosons de Higgs, il est plus haut. Et comme ça, ils sont nécessaires moins de données. C'est l'énergie la plus haut. Parce qu'avant, l'énergie, c'était 7 téra électronvolts dans les rangs de LHC. 7 ou 8 tera-électronvolts. Maintenant, l'énergie, c'est 13 tera-électronvolts, c'est plus haut. Et c'est-à-dire, la probabilité de produire des bosons de Higgs quand l'énergie est plus haut, c'est plus haut. Et c'est-à-dire, il faut avoir moins de données. C'était vraiment important aussi, l'upgrade en énergie de la machine LHC. Cette année, on va terminer les rangs 2 de LHC. Après, on va faire les rangs 3 de LHC à la même 3 TV ou 14 TV, c'est-à-dire tera-électronvolts d'énergie. Mais ce n'est pas la fin. On va voir une autre phase de LHC, la phase 2 de LHC, qu'on appelle l'haute luminosité LHC, où l'énergie sera encore 14 tera-électronvolts, mais on va voir plus de collisions par minute, par seconde. Et comme ça, on va obtenir encore plus de données pour analyser les propriétés de les bosons de Higgs, pour étudier la physique d'haute énergie aussi, et pour chercher de la nouvelle physique au-delà du modèle standard. C'est-à-dire, il y a LHC, on va terminer la rando, la rando, et à partir de 2025, on va commencer la phase de haute luminosité de LHC jusqu'à 2035. Et ça sera vraiment, vraiment super important aussi d'analyser cette donnée. En bref, en Écosse, les tampons et les serviettes hygiéniques seront bientôt en libre accès. C'est ce que vient d'annoncer le gouvernement écossais qui va rendre gratuits les tampons et les serviettes hygiéniques pour les 395 000 jeunes filles et femmes qui étudient dans une école primaire, un collège, un lycée ou une université. Il s'agit d'une première mondiale dans un pays où une étudiante sur quatre a un accès limité aux serviettes hygiéniques et aux tampons pour des raisons économiques. On rappelle au passage qu'un rapport de l'UNESCO publié en 2014 estimait que seulement 12% des jeunes filles dans le monde ont un accès facile aux tampons et aux serviettes hygiéniques. Et en bref, les prolongations pour la star en os du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Oui, c'est Trix, le premier tyrannosaure rex entier exposé en France. Alors depuis le 6 juin, 200 000 personnes se sont pressées aux portes du muséum pour voir la grosse bête. Et devant l'affluence, le muséum a décidé de prolonger un peu la fête. Et vous avez jusqu'au 4 novembre pour aller voir Trix. Et on va vous mettre le lien vers la méthode scientifique qu'on avait consacrée justement à ces grosses bêtes, aux tyrannosaures. Et pour finir, comme chaque semaine, par notre séquence de science improbable, souriez. Vous êtes chévré, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais vous allez me l'expliquer. Je vais vous expliquer tout ça. Une étude britannique parue mercredi dans Royal Society Open Science révèle que les chèvres préfèrent les mines réjouies aux gens qui font la tronche. Alors l'équipe de chercheurs ayant mené cette étude a observé le comportement de 20 chèvres face à des images de visages humains. En moyenne, les chèvres ont passé 50% de temps de plus à regarder et interagir avec l'image du visage joyeux, soit 1,4 secondes, qu'avec l'image de la face colérique, 0,9 secondes. Les chèvres rejoignent donc les chiens et les chevaux dans la liste des animaux capables de reconnaître des émotions humaines. Je ne sais pas quoi dire de avec plus. Ça. Voilà, on va. Je suis comme une chèvre. En fait, j'aime bien quand vous me souriez. Finalement, il y a peu d'écart entre Nicolas Martin et une chèvre. Une réaction à ce que vous venez d'entendre les uns les autres, Cécile? Oui, je voudrais pas plomber l'ambiance, mais comme d'habitude, je vais peut-être le faire. Non, je voulais juste revenir un moment sur cette histoire du gouvernement écossais qui offre des protections hygiéniques aux jeunes filles. Alors, ça me met un petit peu mal à l'aise. À la fois, évidemment, je suis ravie pour ces jeunes filles parce que je trouve ça incroyable que des jeunes filles et des jeunes femmes d'aujourd'hui doivent manquer des cours parce qu'elles n'ont pas accès à ce type de protection. C'est évidemment... Pour des raisons économiques, hein, la plupart du temps. Évidemment, absolument injuste. Et puis, en même temps, c'est une plaie écologique, toutes ces protections. Et aujourd'hui, on a d'autres alternatives. alternatives, plus écolo, plus qui peut-être ne conviennent pas à tout le monde, mais quand même qu'on pourrait aussi mettre en avant. Mais je crois que ça fait partie, si j'ai bien lu la dépêche, si vous faites référence aux cups, je crois que les cups font partie des protections qui sont proposées aux jeunes filles en Écosse. Ça coûte moins cher, en plus, qu'on peut en offrir à plus de monde. D'autres, Olivier ? Sur les néonicotinoïdes, c'est évidemment une bonne nouvelle, mais enfin, il ne faudrait pas oublier qu'il y a d'autres raisons qui sont derrière l'effondrement des colonies des abeilles, donc il ne faudra pas se cacher derrière cette interdiction pour considérer que tout est réglé. Il y a notamment la prolifération de ce petit acarien qui s'appelle le varroa destructor, qui est une sorte de petit crabe de 2 mm de long qui peut sauter sur l'abeille dès qu'elle va s'arrêter sur une fleur pour butiner, qui lui pompe son sang et qui va provoquer sa disparition, sa fin. On est content de reprendre la méthode scientifique parce qu'on a mis des bonnes nouvelles quand même, et puis alors on est en train de tout démolir petit à petit, Elodie. Alors moi je voulais dire que j'étais très intéressée par cette histoire de start-up qui allait repomper le CO2, un petit peu d'espoir et un petit peu de positivité. Merci, un peu de positivisme. Et que vraiment, j'espère que ça va marcher, je vais vraiment suivre ça de près. Cécile, oui. Peut-être arrêter de plomber l'ambiance. Non, allez-y, on est parti. C'est justement un chiffre qui est ressorti cet été, parce qu'on en parlait notamment à cause de la disparition des oiseaux, et qu'on estime que sur 30 ans, 80% on a perdu 80% des insectes volants en Europe. Donc, faut tout faire pour essayer de revenir en arrière. Eh bien voilà, maintenant qu'on est regonflé à bloc, on va pouvoir passer à la suite. Et pour commencer donc ce tour de table d'actualité scientifique, on va examiner les grandes actualités qui ont eu lieu. Cet été a été assez riche, je dois dire, en actu scientifique de taille. On va commencer, on va partir dans les profondeurs de l'Antarctique à la recherche de traces cosmologiques extraterrestres. Il ne s'agit pas du pitch d'un roman de Lovecraft, contrairement aux apparences, mais de la découverte d'une nouvelle source de neutrinos cosmiques. Source qui a été donc découverte grâce à IceCube, cette installation très très impressionnante d'un kilomètre cube qui est enfouie à 2 km de profondeur sous la surface du continent de glace. C'est une aventure scientifique, c'est vraiment absolument passionnante, Elodie. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est vraiment d'observer donc, les neutrinos. On sait que ces neutrinos ont une masse, même si on ne sait pas laquelle. Ils se déplacent à une vitesse proche, de celle de la lumière et ils interagissent très peu avec la matière. C'est en gros les particules ninja. On est bombardé en permanence de, je exactement. Crois, 60 millions ou milliards par centimètre carré. Exactement, et nous-mêmes, on en produit, sans que ça change rien autour de nous, au final. Et donc, c'est une particule de l'infiniment petit, au même titre que l'électron, sauf qu'elle traverse tout, elle n'interagit vraiment pas. Et donc, souvent, ces neutrinos font l'objet d'études de physique de particules, dans lesquelles les auteurs examinent leur masse, leurs oscillations, leur capacité à changer de forme ou de saveur. Mais généralement, ces expériences sont menées avec des neutrinos d'origine terrestre, on vient d'en parler, le LHC à CERN, par exemple, non, dans des accélérateurs de particules, où l'idée, c'est de faire ce... collisionner des particules pour former des neutrinos et donc pouvoir les étudier. Il y a quelques détecteurs de neutrinos qui sont à proximité des centrales nucléaires aussi, puisque les centrales nucléaires, justement, comme c'est finalement de la collision de particules, ça produit des neutrinos et ça permet de les étudier. On avait fait une émission dont on va vous mettre le lien sur notre fil Twitter. Exactement, mais tout ça, ce sont des neutrinos terrestres au final. Et là, aujourd'hui, on va parler de neutrinos cosmiques, hein, ce qui est un peu l'équivalent sauvage des neutrinos, qui sont créés dans le cœur des étoiles et au cœur des phénomènes les plus violents galactiques. Donc jusqu'à présent, on ne connaissait que deux sources de neutrinos cosmiques. Le Soleil, donc c'est lui qui va produire des neutrinos solaires, donc c'est énorme. 60 milliards sur chaque centimètre carré de la surface du globe. Voilà, c'est ça. C'est 60 énorme. Milliards par centimètre carré. Voilà, c'est donc énorme. Et il y avait une seconde source qui a été identifiée en 1987, qui est la supernova 1987A. Et qui est né suite à l'explosion d'une étoile en 1987, donc, dans le grand nuage de Magellan. Voilà. Et c'était une seule source, donc, au final, à part le Soleil, qui est connue en 30 ans. C'est vraiment très peu. D'où l'intérêt de vraiment essayer de construire des télescopes, des outils qui vont essayer de capter ces neutrinos cosmiques, ces neutrinos sauvages. Et donc... IceCube. C'est le but de ce super détecteur qui a été inauguré en 2010, je crois. C'est exactement. Ça ouais. Il a été inauguré en 2010. Surtout que en gros, donc ces neutrinos On se demande d'où l'énergie vient, et surtout il y a des neutrinos cosmiques dits de haute énergie, donc ils vont avoir une énergie qui est incomparablement plus importante que celles qui sont créées sur Terre, forcément, que celles des neutrinos créés sur Terre, ou même ceux de la supernova. Donc l'idée, c'est vraiment de se demander où ces neutrinos vont chercher toute cette énergie. Et les théoriciens pensaient donc que ces neutrinos de haute énergie l'acquérissaient dans des blazars, qui sont en gros des galaxies gigantesques, avec en centre un trou noir rotatif émettant deux jets de lumière qu'on appelle des rayons cosmiques. Les blazars, en fait, c'est des quasars, mais modèle au-dessus. Alors, les blazars, ouais, c'est des quasars tournés vers nous. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils émettent leurs jets vers la Terre. Ouais. Énorme, effectivement. Et juste en un mot, Elodie, comment ça marche? Parce que vraiment, l'installation, on va vous mettre aussi là des photos et des liens sur le fil Twitter, mais c'est très très impressionnant parce que c'est vraiment un détecteur qui est enterré profondément sous la glace de l'Antarctique. Exactement, c'est un détecteur qui regarde en fait vers le sol, ce qui est un petit peu pas habituel pour la cosmologie. Exactement, ça paraît vraiment bizarre. Mais l'idée, nous, ce sont 86 câbles qui sont enterrés dans la glace, enfin enterrés, englacés, je ne sais pas comment on dirait, à partir de 1400 mètres de profondeur jusqu'à 2005. L'idée, c'est que plus haut, on a des petites bulles qui vont dévier du coup les rayons de ces neutrinos. On va avoir des espèces de petites boules qui vont capter l'énergie que les neutrinos vont produire en se tapant contre un atome. C'est l'effet ou la lumière Cherenkov. C'est ça. Et c'est-à-dire que le neutrino produit un muon et ça fait une petite traînée lumineuse. Exactement. C'est très très joli. C'est alors il y a des vidéos. On voit exactement. On peut créer d'ailleurs. On en avait parlé ici lors de l'émission sur les neutrinos. C'est assez simple de créer un détecteur à neutrino à la maison. Quand un neutrino passe, ça fait une petite traînée bleue. Bon, on va vous remettre le lien, ça aussi. Et tout à fait. Et donc, lorsqu'un neutrino va passer dans un atome ou va heurter un atome, on va avoir donc cette lumière Cherenkov qui va se produire, donc une espèce de petite lumière bleue. Et donc, ces petits photodétecteurs, donc ces petites boules qui sont entirées sous la glace, l'idée, c'est qu'ils vont réussir à voir cette lumière bleue qui est très très faible, mais ils vont réussir à la détecter et voir en gros quelle est la trajectoire du neutrino. Et à partir de cette trajectoire, vont pouvoir retranscrire la source, parce que l'intérêt des neutrinos, c'est qu'en gros, ils traversent tout, ils vont tout droit, mais donc du coup, ils font en gros une ligne droite de la source au moment où ils vont toucher cet atome. Et alors, des neutrinos, Ice Cube, on détecte une vingtaine par des neutrinos cosmiques, ils en détectent une vingtaine par an, mais pourquoi est-ce qu'il est aussi dur de détecter leur provenance? Parce que c'était un peu ça le problème, en fait, jusqu'à présent. Alors, je pense que c'était l'énergie. Il me semble que c'est l'énergie qui n'était pas forcément émise, qui n'était pas forcément assez forte. Et donc, il fallait vraiment des neutrinos à haute énergie, pour le coup. Et c'est ce qui est arrivé le 22 septembre 2017, donc il y a un petit peu moins d'un an. Un de ces fameux neutrinos à très haute énergie a traversé Ice Cube. L'alerte, du coup, a été donnée 43 secondes plus tard à un réseau d'appareils astronomiques de tout type de dans le monde entier, de tout type de longueur d'onde, pardon. Et du coup, ça a recoupé un maximum de mesures indépendantes afin de trianguler la position de la source. Et les scientifiques ont réussi à établir que la direction de ce neutrino coïncidait avec un blazar nommé TS0506+56. Donc là, c'est la première fois. Un nom poétique. Oui, c'est un nom magnifique. Donc c'est grâce à ce petit neutrino qui s'appelle Ice Cube 17-0922A, qui a permis de voir que la source de sa source était donc un blazar. Donc c'est la première fois qu'au final, on a trouvé une autre source que la supernova et le Soleil. Donc, il est à quelle distance ce blazar déjà? Très très loin. Mais j'ai plus le 4 milliards d'années-lumière. Ah oui, c'est ça, 4 milliards d'années-lumière. Merci. Ce qui est intéressant par ailleurs dans cette découverte, c'est ce que vous venez d'évoquer, c'est ce qu'on appelle l'astronomie multimessager. Oui, exactement. C'est quelque chose qui est vraiment très très important, qui est en train de prendre de l'ampleur en astronomie. Multimessager, c'est-à-dire toutes les longueurs d'onde. C'est-à-dire qu'avant, on était vraiment calé sur une longueur d'onde et on regardait ça avec un certain type d'instrument, et maintenant toutes les longueurs d'onde vont en gros collaborer plus ou moins donc multimessager afin de vraiment analyser un phénomène et essayer de le comprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'on a une alerte, en fait, d'un seul coup, tout le monde se tourne et va regarder dans cette direction, ce neutrino cosmique à haute énergie. Ça vous inspire, Olivier? Ce qui est étonnant, c'est de voir comment en quelques années, quand même, il y a plein de mystères de la physique qui se sont débloqués à travers des expérimentations un peu géantes. Je pense à Virgo, je pense à LIGO, sur des questions différentes, les ondes gravitationnelles, mais ne serait-ce qu'aussi la découverte, l'observation du boson de Higgs en 2012, le boson dont on a parlé tout à l'heure pendant le journal d'Antoine. C'est étonnant de voir cette phase d'accélération des observations en physique ces dernières années, et c'est très exaltant. Cécile, sur ces découvertes... Rien d'autre à ajouter. Vous voyez que le monde n'est pas complètement plombé. Nous, on fait des découvertes, on avance tous les jours, et heureusement. In 1969, I slept all through my science class, dreaming of the summer and the boy who cuts the grass. The atmosphere of boredom hung like smog on Tokyo, heavy with equations, it passed so slowly. But somehow something remained, although I'd retained almost zero. A scientist in 1940 won the Nobel Prize, predicting the existence of a particle of no size. A shady particle that rarely interacts with ordinary matter, proven fact. They're moving faster than light, they're traveling right on through. That they do, 'cause you were like a neutrino, only passing through. But you will never know. I feel you in my heart, feel you in my bones. In a time when love was free and pretty boys would come and go, I put on the uniform and we danced slowly. It was unwritten, but then everything was cool. No one tied to anyone, we were beautiful. But science knows I'm a fool, inevitable. As we lay in the dark, a merciless spark cut through me. And you were like a neutrino, only passing through. But you will never know. I feel you in my heart. Breakfast of Neutrino sur France Culture à 16h30 de Charlie Doré. Nous écoutons le choix musical de notre nouveau réalisateur Olivier Bétard. Et nous allons aborder notre deuxième sujet de la semaine, de ce retour de la table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. On va rester dans l'espace, mais un peu plus près que le blazar qui nous a envoyé ce neutrino cosmique à haute énergie capté par le télescope, ou en tout cas le détecteur de neutrino Ice Cube. On va parler de notre source principale de neutrino, notre source locale, le Soleil, avec le lancement le 12 août dernier de la sonde Parker Solar Probe, Parker du nom d'Eugene Parker, astrophysicien américain qui a théorisé l'existence des vents solaires. La sonde va donner d'ailleurs, Olivier, des résultats normalement assez rapides. Hein. C'est-à-dire que dès le mois de novembre, on devrait avoir les premières mesures. Alors les premières mesures, elles vont être enregistrées dès le mois de novembre, mais on devrait ne les avoir, les recevoir sur Terre qu'à partir du mois de janvier, parce qu'il y a une histoire de position de la sonde par rapport à la Terre et par rapport au Soleil. Effectivement, alors c'est la première fois qu'une mission spatiale porte le nom d'un individu vivant. Donc c'est un sacré hommage pour ce monsieur Parker qui est prof honoraire à l'université de Chicago. Alors cette mission Parker Solar Probe, on peut dire aussi PSP pour pas s'en mêler les pinceaux, elle a été lancée, comme vous le disiez Nicolas, le 12 août. Et dès le mois de novembre, elle devrait s'approcher suffisamment près du Soleil pour constituer ce qui est présenté par un des responsables de la NASA comme le premier rendez-vous de l'humanité avec une étoile. Puisque le Soleil, on a beau l'avoir sous les yeux, enfin faut pas trop le regarder en face, mais c'est l'inconnu célèbre du système solaire, puisqu'il y a plein de choses, enfin il y a en tout cas deux grands mystères autour du Soleil qui tournent encore dans les têtes des astrophysiciens depuis des décennies et qu'on va peut-être effleurer ou résoudre avec cette mission. C'est en tout cas l'ambition de cette mission Parker Solar Probe. Alors deux mystères, on va commencer par le premier. Lequel choisissez-vous pour commencer? Alors le premier de ces mystères, il est lié à la température du Soleil. C'est très très curieux. La température du Soleil, on la connaît depuis la Terre par l'observation de la lumière du Soleil, puisqu'il y a des équations. Il y a une équation mathématique, si je ne m'abuse, c'est l'équation de Stefan, qui met en relation la fréquence de la lumière. Donc quand on regarde le spectre lumineux qui est émis par notre étoile, donc qui met en relation la fréquence de la lumière avec la température. Et donc on sait que la température de la surface du Soleil, c'est de l'ordre de 6000 degrés Celsius. La température de la surface, mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas le point le plus chaud du Soleil. Bizarrement, effectivement, il y a plus chaud. Et beaucoup plus chaud, par ailleurs. Beaucoup plus chaud, et pour trouver beaucoup plus chaud, il ne faut pas aller à l'intérieur du Soleil, mais il faut aller à l'extérieur du Soleil. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à mesure qu'on s'éloigne de la surface du Soleil, alors assez logiquement, on voit que la température baisse, mais puis d'un coup, elle monte très très haut, jusqu'à atteindre 1 million de degrés Celsius. Jusqu'à 2 millions même, non? En tout cas, ça dépasse le million. On n'est pas un million. Les grands chiffres sont difficiles à appréhender pour nous autres. Et ça, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Il y a aujourd'hui des hypothèses qui tiennent essentiellement au champ magnétique, puisque le Soleil est un émetteur de champ magnétique très puissant. Qui ont des caractéristiques qui font que ça pourrait provoquer ces sauts en température. On connaît le champ magnétique terrestre, on le voit souvent en représentation, c'est des lignes bien propres qui partent d'un pôle pour reboucler vers l'autre. Qui nous protège justement des vents solaires, qui sera le deuxième grand mystère dont on parlera dans un instant. En revanche, les champs magnétiques qui sont émis par le Soleil, ils sont beaucoup plus en pelote de laine, quoi. Hein. Ils sont en vortex, ils sont emmêlés les uns aux autres. Et au croisement de deux lignes de champs magnétiques, certains astrophysiciens en tout cas l'estiment, il peut se passer des sauts d'énergie, des échanges d'énergie qui provoquent de brusques montées de chaleur en température. Ça pourrait être une hypothèse. L'autre hypothèse, elle tient à ce qu'on appelle les ondes de Alfven, et c'est tout simplement une façon de nommer les oscillations de ces ondes magnétiques. Et ces oscillations pourraient, elles aussi, être un vecteur, un moyen de transporter la chaleur, de la dévier et de la transmettre aux particules de haute altitude dans l'atmosphère du Soleil et donc de faire en sorte que la température monte de façon très étonnante au niveau de la couronne. Et on parlait d'ailleurs du Soleil avec Gilles Rammstein il n'y a pas très longtemps et du fait qu'il augmente justement en luminosité, en chaleur de 7% tous les millions d'années, un truc comme ça, ou tous les milliards d'années, je ne sais plus. Bref, peu importe. On va vous remettre le lien vers cet entretien avec Gilles Rammstein. J'ai écouté l'émission. On ne peut pas se souvenir de tout, c'est la rentrée. Il faut que nous aussi, on a du temps, notre champ magnétique personnel doit se remettre en phase avec les ondes radio. Bref, peu importe. Le deuxième mystère qui est censé résoudre cette sonde Parker Solar Probe, Olivier. Alors justement, c'est cette question des vents solaires qui, vous l'avez dit Nicolas, c'est parce que Eugène Parker a été le premier à prévoir que ces vents solaires existaient. Ils sont constitués par des jets de plasma. Alors le Soleil, il envoie, question plasma, puisque toutes les secondes, il y a un million, on estime qu'il y a 1 million de tonnes de plasma qui sont projetées dans l'espace interplanétaire et qui vont ces particules, elles vont voyager, ce plasma va voyager jusqu'à la Terre. Et justement, dans la Terre, quand elle rentre dans l'atmosphère terrestre, elle va provoquer ces fameuses aurores polaires. Les aurores boréales, quand on a effectivement des éruptions. Ouais. Or, ces vents solaires demeurent assez mystérieux, de par leurs caractéristiques dynamiques, leur vitesse. Il y a grosso modo deux grandes catégories de vents solaires. Il y en a certains qui vont être accélérés à une vitesse de 400 km par seconde. Première catégorie. L'autre catégorie, c'est 700 km par seconde. Ça fait quand même une belle différence. Mmh. Pourquoi ? On ne connaît pas du tout les mécanismes qui sous-tendent cette différence dynamique. Donc ça, peut-être qu'on va en savoir plus avec la mission. Autre bizarrerie, c'est la composition même de ces vents solaires. On sait qu'il y a beaucoup d'hydrogène, qu'il y a aussi de l'hélium en quantité moindre, mais ça n'est pas la même quantité selon les points d'émanation, les zones de sortie du soleil des vents solaires. Donc ça aussi, on ne sait pas pourquoi et on doit l'étudier. C'est pas de la science fondamentale. Ça peut avoir c'est de la science fondamentale, mais ça peut avoir des répercussions très concrètes, puisque on sait que les vents solaires, quand ils vont perturber le champ magnétique terrestre, donc ils ont fait tout le voyage du Soleil à la Terre, ils rentrent dans l'atmosphère terrestre, ils peuvent créer, c'est très joli, les aurores boréales. Ça c'est gentil, mais ça peut être un peu plus compliqué, et ça oui, peut parce être un peu plus dangereux. Ils peuvent générer des courants électriques parasites qui vont s'infiltrer, qui vont trouver leur chemin dans les réseaux électriques terrestres, qui vont saturer les transformateurs et qui peuvent être à l'origine de blackouts, de coupures d'électricité, le noir total. On a connu ça par le passé. Ça a été le cas à Montréal. Oui, au Canada, il y a quelques années. Ouais. C'était en 89, en mars 89. Ouais. Et la NASA, par exemple, aux États-Unis, et partout ailleurs, on prend pas ça à la légère et on sait qu'une grosse coupure comme ça sur l'ensemble d'un pays, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et d'ailleurs, à Montréal, ça a été très, très difficile à gérer pendant les 9 heures de coupure. Ça c'est effectivement les questions auxquelles cette sonde Parker Solar Probe doit pouvoir nous apporter un élément de réponse. La mission doit durer 7 ans en tout. Elle se pose évidemment une question qui est celle de d'envoyer du matériel de haute technologie aussi proche de l'étoile. Quels sont les défis technologiques qui ont été résolus pour que la sonde ne fonde pas, qu'elle ne soit pas perturbée ni par les particules de haute énergie ni par la chaleur? Alors, il y a ce problème de comment on fait que ça ne fond pas, mais il y a aussi le problème comment on y arrive. Parce que il faut franchir la distance et il faut s'approcher d'un objet céleste qui a une masse absolument, pharaonique, gigantesque, enfin incommensurable, 300 000 fois la masse de la Terre. Le Soleil, en raison de cette masse et de la gravité, l'attraction qu'il exerce, permet de maintenir autour de lui en orbite les planètes du système solaire et les objets de la ceinture de Kuiper. Donc on imagine qu'un petit objet comme la sonde qui fait 610 kilos pourrait être avalé comme qui rigole et détruit très rapidement. Donc là l'astuce pour que ça n'arrive pas, c'est la vitesse. C'est-à-dire il fallait imiter la trajectoire des comètes qui vont voyager à proximité du Soleil sans s'écraser dessus. Donc ça veut dire qu'il faut aller très très vite autour du Soleil pour éviter l'effondrement. Pour ce faire, on utilise en fait un système de fronde gravitationnelle, puisqu'on va jouer sur l'attraction gravitationnelle de la planète Vénus, puisque la sonde va d'abord passer à proximité de Vénus, et l'attraction que provoque Vénus sur la sonde va être une pichenette, une très très grosse pichenette, qui va repousser la sonde jusqu'au Soleil à des vitesses très importantes qui pourront atteindre 700 000 km/h. Ça, c'est la vitesse parce que la sonde va comme ça passer plusieurs fois. Et de plus en plus vite. Et elle est de plus en plus vite. C'est vraiment la fronde. Donc, elle va aller de plus en plus vite autour du Soleil au gré de ses différents passages autour de Vénus. Donc, jusqu'à atteindre en 2024 700 000 km/h, comme je le disais, à une vitesse à laquelle on ferait la distance Terre-Lune en une demi-heure. Et alors du coup ça c'est pour éviter évidemment que la sonde soit avalée par le Soleil, mais comment est-ce que tous les instruments de bord vont résister à la chaleur et aux radiations? Alors il y a des considérations sur la composition des instruments eux-mêmes, mais c'est surtout un bouclier, une histoire de bouclier. La sonde va s'approcher au plus près à un peu plus de 6 millions de kilomètres du Soleil. À cette distance, la température elle va atteindre 1300 degrés. Rappelez que la distance Terre-Soleil, c'est 150 millions de kilomètres, une unité astronomique. Et cette température de 1600, enfin un peu moins de 2000 degrés, aucun engin spatial, aucun véhicule spatial, aucune sonde n'y a jamais été soumis. Donc il a fallu mettre au point un bouclier extrêmement protecteur qui est composé de carbone. Donc c'est une grosse couche de carbone, c'est 10 cm de carbone, et qui est irrigué par des tuyaux remplis d'eau qui vont jouer le rôle de... C'est une logique assez basique finalement, de réfrigération. Mais bizarrement, enfin paradoxalement, de l'autre côté de la sonde, celle qui ne fera pas face au soleil, les objets sont confrontés au froid interplanétaire, et là la température elle descend à en dessous des moins 1000 degrés, et il faut les chauffer. Donc ça veut dire d'un côté il faut refroidir, de l'autre côté il faut chauffer. Et ça va être chauffé avec la batterie, puisque cette sonde qui bénéficie de panneaux solaires, elle ne pourra pas, les panneaux seront rentrés quand elle sera trop près du soleil, parce qu'elle pourrait griller. C'est vraiment une mission de très haute précision du point de vue de sa trajectoire. Ce que disent les scientifiques essentiellement américains, puisque c'est une mission de la NASA, elle embarque plusieurs instruments. Il n'y a qu'un seul instrument qui est européen, tout le reste est américain. Et ce qu'ils disent, c'est qu'à un pouillème près dans la trajectoire, la sonde pourrait être grillée comme un toast laissé dans son grille. Comme un petit insecte dans les, vous savez, les trucs de... Ah oui, les halogènes. Voilà. Interdit les ampoules halogènes. Justement, un mot peut-être sur ces instruments, sur ces instruments et sur ce qu'ils vont mesurer précisément. Alors, il y a des instruments qui vont mesurer ces compositions, justement en hélium, en hydrogène. Il y a des instruments qui sont orientés sur les mesures de champ magnétique. C'est des choses qui sont, basiques dans leur finalité. Elles sont vraiment là pour évaluer toutes les données dont on a parlé précédemment. Il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre du changement de paradigme ou de techno révolutionnaire, mais c'est du matériel de très grande précision, quoi. Elodie Chavoy, vous êtes complètement soufflée par cette espèce de précision spatiale. Oui, non, mais c'est tous les chiffres spatiaux, que ce soit les distances ou les températures, je trouve ça vraiment vraiment impressionnant. Et... Cécile, un petit mot sur cette mission. Non, mais c'est passionnant de se dire que cette étoile qui est la nôtre, qui permet beaucoup de choses sur sa Terre, est encore largement inconnue. On vous a mis le lien sur l'émission qu'on avait consacrée au Soleil. Il y a encore effectivement beaucoup de choses qui nous échappent. Absolument, non, j'ai pas grand chose à dire. Oui, c'est passionnant, mais c'est justement, plus on avance, plus on mesure l'étendue de notre ignorance, et c'est ça qui nous fait avancer, je pense. C'est ça qui est intéressant. Il faut préciser aussi que si on parle d'une mission vraiment quasi essentiellement américaine, bientôt l'Europe aura aussi sa propre sonde solaire, qui va s'appeler, Solar Orbiter, qui est prévu pour un lancement en 2023. Et qui va fonctionner en binôme avec les Américains pour avoir un échantillonnage de données le plus large possible. Et les deux permettront peut-être de faire beaucoup plus que ce que PSP ne pourra pas faire tout seul, quoi. Et puis nous, on reviendra justement sur cette mission Parker Solar Probe sur notre étoile, sur le Soleil, dans une émission complète le 18 septembre. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h45, on revient sur Terre et on remonte le temps, puisque cet été aura été riche en actualités en paléontologique. Nous allons, on en parlait d'ailleurs hier brièvement avec la philosophe et historienne des sciences Claudine Cohen, mais on va aborder ça plus longuement avec vous, Cécile, aujourd'hui, avec pour commencer cet article paru dans Nature mi-juillet sur des pierres taillées découvertes sur le plateau de Leus en Chine. Absolument. Je voudrais juste dire que donc cet été, il y a eu plusieurs annonces intéressantes sur l'histoire de nos origines, qui sont horriblement compliquées, comme vous le savez. C'est une saga interminable avec des spin-off partout. C'est ça. On recule dans le temps, on avance de 250 000 ans d'un côté, on recule de 80 000 ans de l'autre. C'est un sac de nœuds, un peu comme le champ magnétique du Soleil. Absolument. Ouais. Donc cette complexification, évidemment, ne rend pas l'histoire plus facile à raconter, mais elle est plus passionnante. Et surtout, je pense qu'elle se rapproche de plus en plus, effectivement, de ce qui s'est réellement passé. Car effectivement, les paléontologues, les archéologues, les préhistoriens qui nous livrent peu à peu tous les éléments de l'histoire, ils se basent sur des éléments très fragmentaires. Ils sont tout à fait dépendants des fossiles, des vestiges que l'on retrouve. Donc, par construction, c'est une histoire à plein de trous. Donc, il y a plein de choses qu'on n'a pas encore découvertes et qu'on ne découvrira jamais. Comme c'est une histoire très compliquée, Nicolas, si vous permettez, je vais juste redonner donner quelques repères chronologiques Absolument. Et spatiaux. Ça va N'hésitez pas. De... Même moi, ça va me remettre un peu parce que je m'embrouille un peu les pinceaux entre les différentes lignées. L'Afrique est bien le berceau des hominidés. Les hominidés, ça regroupe la lignée des chimpanzés, la lignée des gorilles et la lignée humaine. La lignée humaine a dû commencer sa vie propre il y a à peu près 7 millions d'années. Et les orang-outans. Voilà. Aussi. Exactement. Pas pardon. Les oublier, les pauvres. Voilà. Ouais. Donc avec des fossiles comme Aurorine, Sahelanthropus tchadensis, tout ça. Et, tout mal, donc. Voilà. Disons, pour faire très très très vite, parce que si je raconte tous les détails, on en est encore demain matin. Voilà. Disons que vers moins 4 millions d'années, moins 3 millions d'années, arrivent les Australopithèques. Donc il faut imaginer que c'est pas du tout une évolution linéaire, c'est une évolution complètement buissonnante, avec plein d'espèces, plein de rameaux qui se diversifient, qui se rapprochent, qui se croisent. Ce qu'on peut dire, et ce qu'on évoquait avec Claudine Cohen, ce qui est intéressant pour la suite, c'est de dire qu'effectivement, ces petits groupes se séparaient, et puis évidemment, il y avait de la spéciation génétique, puisque comme ils n'étaient plus en contact les uns avec les autres, chacun se changeait un peu en fonction de son habitat, et puis ils se recroisaient. Voilà. D'où les problèmes dont on a parlé. C'est ça. C'est ça la question. Ouais. Non, voilà. Ensuite est apparu le genre Homo. Il y a, je crois que le plus vieux fossile officiel date de moins 2,8 millions d'années. Et on pense qu'un Homo erectus, est sorti d'Afrique il y a moins 1,8 million d'années. J'espère que c'est clair. Mm-hmm. Alors, à partir de la sortie d'Afrique, c'est assez compliqué parce qu'il y a eu plusieurs sorties d'Afrique. Et puis, après, il y a eu d'autres, effectivement, spéciations, les hommes de Néandertal, les Denisoviens, enfin bon, plein de, d'espèces différentes, jusqu'à Homo sapiens, il y a peut-être 300 000 ans. Donc voilà, on change vraiment. 400... À la louche. À la louche. Non, voilà. Alors là, il y a une découverte publiée dans Nature cet été qui remet en cause un peu cette histoire de sortie d'Afrique. Donc je rappelle, Homo erectus, jusqu'à présent, on pensait, parce qu'on avait retrouvé en Géorgie des fossiles et des outils d'Homo erectus, que Homo erectus était sorti d'Afrique une première fois, donc il y a moins 1,8 million d'années. Sauf que l'équipe de Zhaoyu Zhu, qui est de l'Académie chinoise des sciences, a découvert à Changshen, en Chine centrale, 82 outils. Des grattoirs, des éclats, des perçoirs, enfin des outils. On est sûr que ce sont des outils parce qu'on retrouve bien les traces de percussions, c'est pas des géo-artefacts, c'est pas... on retrouve des traces de retouches, voilà. Dans différentes couches qui s'étalent de moins 2,12 millions d'années à moins 1,26 millions d'années. Et donc ça, surtout les plus vieux évidemment, le moins 1,26, ça on peut expliquer, mais... 2,2, mais moins 2, voilà, ça fait 400 000 ans de différence. Voilà, donc ça commence à être un peu compliqué. Donc, qui a taillé ces outils? That is the question. Voilà. Donc, alors, ça peut être un homo antérieur à Homo erectus qui serait sorti plus tôt, puisque comme je le disais tout à l'heure, le plus vieux que l'on connaisse a moins 2,8 millions d'années en Afrique. Hein, 1,8. Non, moins 2,8, le premier homo. Ah oui, pardon, je pense 1,8, le premier sorti d'Afrique. Sorti, voilà, justement. Mais on a trouvé des individus du genre homo plus anciens en Afrique. Peut-être qu'ils sont partis avant. Voilà. Peut-être. Ou parce que je crois que vous avez fait une émission d'ailleurs, Nicolas, là-dessus. Oui. On a découvert au Kenya, sur le site de l'Homo Equi, des outils qui dateraient de 3,3 millions d'années. Alors là, ça pose une question parce que c'est probablement pas des individus du genre Homo. Ça doit être des Australopithèques. On n'a pas retrouvé de fossiles associés, hein, donc on ne sait pas. Mais bon, donc peut-être que ce sont même les Australopithèques qui seraient sortis d'Afrique, voilà, et qui seraient comme ça partis à la conquête de l'Asie. Voilà. Surtout que il y a eu d'autres découvertes ces dernières années qui ont été très controversées, mais qui semblent maintenant se confirmer. D'outils retrouvés aussi 2,5 millions d'années dans un autre site chinois et encore d'autres, des traces de découpe sur des os associées à un outil dans le nord de l'Inde qui daterait de 2,6 millions d'années. Donc voilà, donc La chasse est ouverte. Non, non, puis il faut préciser que c'est vrai que du coup, ce puzzle est un puzzle à trous parce que pour des raisons, alors un peu complexes à expliquer ou à résumer, pour des raisons essentiellement climatiques, on trouve très peu de fossiles, on découvre très peu de fossiles, des restes humains en Asie. Oui, oui, bien sûr, parce que c'est une chance merveilleuse en fait de retrouver des fossiles. La plupart du temps, les eaux disparaissent. Donc il faut des conditions climatiques particulières de très particulières pour que ça se fossilise. Et puis en plus, après, il faut tomber sur ces fossiles, il faut avoir des raisons de creuser à cet endroit-là. Enfin bon, donc c'est très compliqué. Ça, c'est pour l'une des voies de complexification de nos origines. Il y a une deuxième information et qui est assez intéressante aussi. On parlait de ces débuts broussailleux. C'est ce qu'on appelle la théorie multicentriste de l'apparition d'Homo sapiens. Qu'est-ce que c'est que ça, Cécile ? Oui, en fait, il y a dans les années 80 un chercheur américain qu'il s'appelait, excusez-moi, j'ai un trou, Milford Wolpoff, avait émis une théorie qui était à l'origine multicentrique d'Homo sapiens, qui partait de l'idée que c'était effectivement Homo erectus qui était sorti d'Afrique, en plusieurs vagues certes, mais qui était sorti d'Afrique, et que il aurait envahi toute la planète. Et que, ça fait un peu guerrier. Il se serait installé sur toute la planète et que il se serait transformé partout en Homo sapiens. Théorie qui est assez intéressante, mais évidemment ça pose des questions parce qu'on se dit quand même sur un espace aussi grand, sur un laps de temps aussi long. Ça fait un peu intelligent design, hein, ouais. Des dessins intelligents, comme si, depuis nos ancestraux, nos ancêtres étaient programmés pour devenir des Homo sapiens. Donc, ça n'était pas si bien reçu que ça, même si, effectivement, il expliquait ça aussi par des phénomènes d'hybridation, parce que les populations devaient se recroiser. Mais quand même, c'était un peu compliqué à admettre. Alors, aujourd'hui, on a dans ce magazine qui s'appelle Trends in Ecology and Evolution, des chercheurs qui ont publié, non pas une découverte, là, parce qu'il ne s'agit pas d'un nouveau fossile, on découvre le fossile du siècle tous les 15 jours, mais quand même pas là, mais c'est vraiment une nouvelle théorie, ou du moins, c'est paru dans la rubrique Opinion. Voilà. Et en fait, ils revisitent... Donc pas dans une revue à comité de lecture, c'est une hypothèse qui est formulée. Oui, mais il y a du beau monde. Ça n'empêche pas. Il y a quand même des gens intéressants. Voilà. Et qui émettent une hypothèse à discuter, parce que c'est comme ça que fonctionne la science. Il faut discuter. Reparle justement de l'apparition d'Homo sapiens, pour le coup en Afrique. Et qui dit qu'en re-regardant toute la diversité des fossiles, justement sur cette époque-là, de moins 400 000 à moins 200 000, toute la diversité des outils, et aussi en regardant, en essayant l'habitat de cette époque-là, qui a beaucoup changé, parce qu'il y a eu des moments de sécheresse, des moments d'humidité, le Sahara était vert, il y a eu tout ça. Le passage de la savane à la forêt. Finalement, on dresse un tableau d'une évolution hyper compliquée. Un vrai patchwork, parce qu'on trouve, selon les populations, des caractères vraiment modernes associés à des caractères archaïques, la même chose, mais pas les mêmes caractères ailleurs. On retrouve des cultures qui vont effectivement vers une modernisation, mais il y a quand même des cultures très particulières et singulières. Et donc leur idée, c'est qu'il y a eu une vraie évolution mosaïque, c'est-à-dire que il y a eu des populations qui ont été séparées à des moments parce que pour des raisons climatiques, enfin environnementales plus exactement, mais qui de temps en temps pouvaient se recroiser, s'interféconder parce que l'environnement avait changé, échanger des gènes, échanger aussi des outils de la culture, aussi des échanges culturels, et que du coup c'est comme ça que serait né Homo sapiens. Alors c'est pas du tout la même hypothèse que Wolpoff, parce que c'est beaucoup plus étayé. Ça pourrait aussi expliquer que, parce que la génétique s'était appropriée cette idée que le Homo sapiens serait forcément né d'une petite population très isolée. Petite population. Parce que la génétique semble montrer un goulet d'étranglement dans les gènes qui expliquerait ça. Mais peut-être qu'on peut expliquer ce goulet d'étranglement par ce patchwork avec ces interconnexions. Tout ça pour dire que nos ancêtres, c'était déjà une question de réseau à l'époque. Olivier, un mot sur ces avancées en paléontologie qu'on a eu tout au long de l'été? Alors c'est des grands chiffres hein, dont on parle Cécile qui donne le vertige, mais ce qui m'étonne encore plus, c'est que souvent ce sont des réflexions qui sont basées sur des objets qui sont tout petits, un bout de doigt, un bout d'os. Et cet été, c'est le cas de Denisova. Mais je pensais là, pas forcément même, à Denisova. Ils ont fait vraiment un panorama de tous les fossiles qu'on a retrouvés, de tous les outils, ce qui commence à faire, bon effectivement pas beaucoup, mais quand même. Non mais la découverte paléontologique, elle peut être de l'ordre de la dent quoi. On a vu ça cet été aussi en juillet sur le site de Totavel où la découverte d'une dent, une toute petite dent, a permis de faire baisser encore de, je crois, 10 000 ans l'âge du plus vieux français, puisque c'est le titre qu'a l'homme de Totavel. Avec une dent, une toute petite dent. Alors à ce moment-là, on va parler des petits bouts d'os de Denis. De Denisova. Mais on arrive à la fin, on en a parlé hier un peu avec Lynn Cohen et en se disant que c'était finalement cet homme de Denisova, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, est-ce que finalement il faut le reconsidérer comme une sous-espèce de Néandertal. Mais en fait, on va faire c'est une émission. C'est lui l'homme au doigt, quoi, c'est ça? C'est ça, c'est la fille d'ailleurs. C'est la fille, oui. Ça serait une fille de 13 ans, 90 000 ans, en Sibérie, dont la mère aurait été néandertalienne et le père dénisovien. Et oui, effectivement, est-ce que l'espèce dénisovienne qu'on ne connaît que par la génétique, existe-t-elle vraiment? C'est une question. Effectivement, qu'est-ce qui se passait au niveau de l'interfécondation? Quelle est la question de la frontière des espèces? Mais c'est exactement la même chose qu'on voyait effectivement avec l'origine de l'Homo sapiens. Oui, nos ancêtres ont dû beaucoup plus bouger qu'on pensait. Il y a eu des flux géniques beaucoup plus importants. Et puis, bon, on sait bien que les lions et les tigres peuvent faire des enfants. C'est vrai. Et on va faire bientôt une émission complète consacrée à Denisova, justement à cette question de Denisova. Est-il une espèce à part? Est-ce une sous-espèce de néandertalien? Est-ce que c'est la revanche, comme le disait hier Colin Cohen, des paléogénéticiens sur les préhistoriens? Bon, on en reparlera, mais il nous reste c'est beaucoup... en travaillant ensemble que l'on comprend, je pense. Cécile, un mot pour la science de cette rentrée. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Cerveau et immunité, un dialogue insoupçonné. C'est-à-dire? Eh bien, deux mots, quand même. On a longtemps pensé que système immunitaire était complètement déconnecté du cerveau, parce que c'est protégé là. Et en fait, on s'aperçoit que non seulement le système immunitaire rentre dans le cerveau, mais le cerveau aussi règle d'une certaine façon le système immunitaire. Élodie, des nouvelles de Point of Science? Eh ben, nous, on prépare activement la fête de la science qui aura lieu début octobre. On sera dans plus d'une vingtaine de villes. On recommence un mini-festival. Donc là, on est en plein dedans. D'accord. Et puis, Olivier, peut-être un petit mot déjà sur le numéro de Science et Avenir de la rentrée. Ah oui, le numéro est sorti hier, qui fait sa couverture sur la maladie d'Alzheimer. Le 21 septembre, c'est la journée mondiale d'Alzheimer. Bon, malheureusement, encore une fois, on pourrait dire qu'il n'existe pas de médicament qui arrête la maladie, mais il y a des méthodes, des techniques qui permettent de prévenir, de ralentir. Et on fait le point sur tout ça dans le dernier numéro de Science et Avenir. Puis peut-être qu'on peut dire un peu de cette belle aventure où on sent dans laquelle nous nous embarquons collectivement, vous et moi. Et oui, on peut trinquer nos verres, puisque maintenant il y a des verres, des vrais verres à la méthode scientifique. Oui, on a arrêté les bouteilles d'eau en plastique, maintenant on met des vrais verres avec une carafe. Ils sont pleins d'eau plate, qu'on allait boire de l'eau du robinet. Donc oui, on est très heureux à Science et Avenir d'être les partenaires de la méthode scientifique. Et réciproquement. Et effectivement, je pense que ça engage à plein d'expériences numériques pour l'année qui vient sur nos sites respectifs, nos réseaux. 2 millions de fans sur la page Facebook de Science et Avenir quand même. Hein, on va faire prospérer tout ça, mon cher Nicolas. Eh bien, avec grand plaisir, on vous tient au courant très rapidement. Mais c'est vrai qu'on va essayer de monter des dossiers un peu collectifs entre le web, le magazine, le papier, la radio. Vous allez voir, on va vous concocter ça aux petits oignons. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Olivier Lascar, Cécile Lestienne, Élodie Chabrol. Vous pouvez retrouver comme évidemment... toujours toute cette émission sur le site de franceculture.fr pour la podcaster, ainsi que sur notre fil Twitter @laméthodefc. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lozen, Olivier Bétard à la réalisation, Jacques Azubert à la technique. Et la semaine prochaine, dans le laboratoire de la méthode, lundi, nous parlerons des espèces invasives. Mardi sera question de l'eau et de la vie sur Mars. Mercredi, de la fin de la neutralité du net. Jeudi, nous parlerons d'Ada Lovelace et de l'effet Mathilda, ces femmes scientifiques dont les travaux se sont fait réapproprier par les hommes. Et pour notre premier vendredi SF, on vous prépare une spéciale Uchronie vendredi prochain.